la mienne, que tes lèvres sont puissantes. On est beau comme des dieux, quand nos corps collés harmonieux dansent sur un souffle mélodieux. C'est beau quand on est amoureux. Tu es belle, ma déesse, quand en Amazon tu te dresses. Le dos cambré, tu bombes les fesses. Tu chevauches comme une princesse. Tes seins dans mes mains se chauffent. En se bousculant, on s'échauffe. De feu qui éclaire la nuit, incandescent et descend à l'angui. On est beau comme des dieux, sur nos désirs vertigineux. Dans notre palais, sur l'Olympe, pas loin des étoiles si on grimpe. On est beau comme des dieux, avec nos sourires brillants radieux. Qui nous transpercent la peau, le cœur, l'âme, le ventre, les os. Tu es belle ma déesse, tes soupirs ressemblent à une messe. Tu chuchotes des prières sibyllines qui résonnent dans ta poitrine. Tes seins dans mes mains se chauffent, en se bousculant, on s'échauffe. Deux feux qui éclairent la nuit, incandescent, descend à l'anguille.